Activité 7, page 35, piste 24. A. 20. B. Je viens. C. Salle de bain. D. C'est combien? E. Moulin. F. Italien.